Courrier du 22 décembre 2008. 1722e jour d'incarcération. Frère, j'espère que pour toi tout va bien. Car moi, la vie m'a rehaussé. Par où commencer, chaque fois que je croyais m'en sortir, ça recommençait. Dans ce monde on m'a balancé, son daron pour me bercer. Ce n'est qu'un homme, il a pris ma daronne puis l'a remercié. C'est dur pour une mère seule avec des gosses à élever. Elle devenait dépressive, c'est pas l'alcool qu'allait la relever. Assis là à rêver, je m'inventais un monde. Car la réalité m'empêchait de rester un môme. Un moment de douceur, une boîte d'antidépresseurs. Le corps de notre mère sera trouvé par nos sœurs. C'est à partir de là qu'on boit la tasse. C'est une famille qu'on est. Puis direction la tasse, c'est foyer, famille d'accueil et vice versa. Les gens normaux ne laisseraient pas leur fils faire ça. Le vice me perd, ça c'est connerie sur connerie. Je vais plus en cours, je n'ai que vos cols et vos sonneries. Et ça me fait gaulerie quand je repense à cette époque. Assis dans ma cellule, où sont passés tous mes proches. Je les ai fait couler le jour où j'ai couillé. Le peu qui me reste, mon frère est dans ce courrier. Ça fait 5 ans déjà que t'es enfermé dans ce trou. Et j'espère que ça se passe et que tu tiens le coup. Excuse-moi de plus venir, j'supporte plus ce dégoût. J'supporte plus de te voir là-dedans, ça me rend fou. Ton fils se porte bien, il grandit chaque jour. Mais ta femme m'inquiète car des mecs tournent autour. À part ça, rien de neuf, c'est toujours le même discours. Les mêmes cris au secours et les mêmes restent sourds. Moi j'cours après les thunes mais j'rêve plus de fortune. D'ailleurs je rêve plus du tout car j'ai trop de lacunes. Ça ne tourne pas bien, frangin, j'ai peur. Tu les liens, je reste de perdre mes biens. Car plus rien me retient. Rappelle-toi de ce crédit que j'ai fait il y a 8 ans pour accomplir le rêve de ma femme et de mes enfants. Tu m'avais dit de faire gaffe et de rester prudent. Moi j'ai décidé d'agir et je suis tombé dedans. Mon frère, qu'est-ce t'as fait? Tu t'es foutu dans la merde. Regarde-moi, tu veux pas finir dans la même merde. Ma femme, je l'emmerde, de toute façon je m'en doutais. Je pense à mon gosse, je ne serai pas là pour l'éduquer. À l'heure du goûter, un autre prendra ma place. Ma main a coupé que sa mère ne gardera aucune trace. De mon existence, mettra des distances. Les larmes et le temps effaceront toute résistance. J'y peux rien et ça me rend dingue quand j'y pense. En plus, je dois supporter ces conditions de vie atroces. Mon incarcération ressemble à Guantanamo. Tombé dans la dépression, dans la parano. À part nous, personne sait ce qui se passe dans nos cellules. Je tiens plus le coup, donc je m'évade avec des gélules. Je prends ma ceinture et m'en sers en guise de collier. Je te dis adieu, ce courrier sera le dernier. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas d'appel. Ça fait déjà 3 jours que je suis sans nouvelles. Et de nuit de suite, les mêmes rêves m'interpellent. Je vois des suicides, ça me laisse des séquelles. Et je t'écris pour te dire que je suis face à un mur. Blindé de soucis car les temps sont durs. Y'a 48 heures à peine comme ma vie et du taf. En plus ça s'enchaîne, ma femme a quitté ses tasses. Au moment où je t'écris, je me sens vide, je me sens seul. Tout ce que j'avais comme rêve a éclaté comme une bulle. Et les banquiers s'empêchent pas de me casser les couilles. Ils me cassent la tête, je vais faire parler les douilles. La seule chose qui me reste c'est une bouteille de Jack. Et ton existence, mais vite que je craque. Le flingue sur la table, toutes les raisons sont bonnes. Putain, il me saoule encore ce téléphone qui sonne. Putain. Ouais, allô, qu'est-ce qu'il y a encore là? Bonjour monsieur, ici le pénitencier de... Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre frère s'est suicidé dans sa cellule il y a 3 jours. Allô?